À l'occasion du Nouvel An, est inauguré à la place Kim Il-sung le 31 décembre de l'an 105 du JT 2016, le Festival de sculpture de glace de Pyongyang 2017. Des dizaines de sculptures sont présentées par les ministères, les établissements du niveau central, les établissements, entreprises, écoles supérieures, centres de création artistique de la ville. Les fonctionnaires des ministères, des établissements du niveau central, les travailleurs, jeunes et élèves de la capitale ont vu les sculptures.